Salut à toutes et à tous, c'est Denis Jeep. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, j'avais dit lors du dernier podcast qu'on se retrouverait pour une vidéo de Let's React sur un trailer de jeu vidéo, justement. C'est pas que je sois un menteur invétéré, mais vu que j'ai chopé un sale virus très récemment et que les Let's React se font face caméra, j'ai préféré vous éviter ma tronche un peu ravagée. Nous nous retrouvons donc pour une vidéo d'avis, un avis sur un roman d'aventure tiré d'une toute petite saga vidéoludique à peine connue du grand public, à savoir Uncharted. Alors, si ça vous dit... Je vais donc vous parler aujourd'hui du quatrième Labyrinthe, un roman d'aventure tiré donc de la saga Uncharted. Alors avant de rentrer un peu plus avant dans le roman, dans ce que les qualités que je lui trouve ou pas, vous allez voir, je vais vous faire un petit résumé rapide de l'histoire, au moins du début, pour vous donner envie et savoir de quoi il en retourne. Donc c'est très simple, Nathan Drake est contacté par son mentor, Victor Sullivan, afin d'enquêter sur le meurtre d'un de ses vieux amis, un éminent archéologue. Traqué par de mystérieux assassins, les deux hommes et Jada, la fille du défunt, vont se retrouver embarqués dans une périlleuse aventure qui les mènera du métro new-yorkais aux vestiges souterrains de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique. Et ils seront à la recherche des trois labyrinthes perdus de Dédale, lesquels indiqueraient l'emplacement du mythique quatrième labyrinthe dont la légende dit qu'il contient des richesses et un pouvoir incommensurable. Le roman est initialement paru en octobre 2011 chez Delray Books. Donc Delray, c'est une maison d'édition qui doit une grande partie de sa notoriété à ses publications des romans Star Wars, que ce soit ceux de l'ancien univers étendu, qui est aujourd'hui considéré comme Legends, mais aussi depuis le rachat de la licence par Disney, les nouveaux romans dits canons. Dans nos vertes contrées, c'est chez Milady que le quatrième labyrinthe se dévoile en mars 2016, dans la collection Gaming. Donc c'est une collection qui compte déjà pas mal de titres, notamment les romans Halo et surtout toute la saga Assassin's Creed, qui est écrite par elle par Oliver Bowden. En ce qui concerne le titre issu de l'univers Uncharted, c'est Christopher Golden que nous allons retrouver derrière la plume. Golden, c'est un auteur américain pour adultes et adolescents qui s'est fait connaître du grand public par ses novélisations, donc des adaptations en romans, de films ou de séries. Et là, c'était une série, puisque c'était la série Buffy contre les vampires. Il est d'ailleurs pas étranger au monde du jeu vidéo, puisqu'il a aussi signé en 2002 le scénario du Beat'em All relatant les aventures de Buffy, sorti sur Xbox à l'époque. C'était un jeu qui était assez honorable d'après ce que j'en ai vu et les critiques que j'en ai lues. Il est aussi le scénariste de bande dessinée et il a même créé avec Mike Mignola. Donc Mike Mignola, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur papa de Hellboy, donc vous savez, ce fameux comics qui a été adapté après en deux films par Guillermo del Toro et qui, l'année prochaine, je pense, verra donc son reboot. Je crois que c'est Neil Marshall qui s'en occupe. Et donc avec Mike Mignola, en fait, Christopher Golden a créé la série Baltimore. C'est une série qui est publiée chez Dark Horse Comics. Donc c'est pareil, un grand éditeur en fait de comics américain. Pour Uncharted, le choix de Golden est probablement aussi celui de Naughty Dog, car il ne faut aucun doute que les équipes de Christophe Balestra, qui était encore coprésident à l'époque, et Evan Wells ont suivi de près le projet. Ils sont même crédités dans les remerciements du livre, et donc on voit qu'ils ont été sans doute partie prenante. Donc Golden, son approche, elle va être d'écrire une histoire inédite, qui prend place avant les événements de Drake's Fortune, et même de Golden Abyss. Pour rappel, Golden Abyss, c'est l'épisode Vita, et dans la chronologie diégétique, c'est-à-dire dans l'univers même d'Uncharted, l'aventure Golden Abyss se passe même avant Uncharted Drake's Fortune. Donc l'épisode il a été réalisé par Sony Band Studio, l'épisode de Golden Abyss, et au moment de la sortie du livre, il était encore en développement. Pourtant, même si sur la forme le jeu vidéo de la Vita et ce roman-là sont différents, sur le fond, ils ont en fait une sorte de rapprochement parce qu'ils ont cette même volonté de ne pas faire de la démesure comme les jeux qu'on verra sur PS3 et ensuite PS4, et plutôt de faire donc une œuvre qui joue plus avec les codes en fait de l'archéologie. Parce qu'il est bien évident que par exemple sur la Vita, techniquement, il ne pouvait pas faire quelque chose comme Uncharted 2, quand le jeu est sorti à l'époque. Et en roman, on ne peut pas faire des scènes épiques, c'est difficile de retranscrire ça aussi à l'écriture. Ça devient très vite casse-gueule. Et c'est là que le premier talent en fait de Christopher Golden saute aux yeux. Il arrive à intégrer l'univers de la saga, tout en se démarquant suffisamment pour ne jamais donner l'impression de singer les jeux. Parce que s'il va truffer son récit ça et là de références que tous les fans de la saga ne manqueront sans doute pas de relever, il s'amuse aussi à jouer en fait de certains gimmicks qu'on trouve dans la saga, et pour mieux les prendre le contre-pied. Ça va commencer dès le début, donc c'est un court prologue qui se passe dans la jungle, donc voilà, on voit Nate qui est en pleine jungle équatorienne et qui est à recherche d'une relique, et il se bat avec des narcotrafiquants et il se retrouve à sauver une demoiselle en détresse, donc c'est vraiment des gros clichés. Et en fait, ça va être très vite cassé par la narration qui, au bout de la fin de cet épilogue-là, va passer à une autre histoire totalement et va se retrouver en fait avoir envoyé Drake en plein New York, donc totalement loin des jungles, loin de l'aventure, on va dire, tropicale comme on l'entend. Et ce côté-là de faire un prologue en fait qui est dissocié du reste de l'histoire, ça ressemble plus au prologue qu'on trouve dans les James Bond. Et d'ailleurs, il y a souvent des références à James Bond dans ce roman-là. Donc c'est encore un clin d'œil que fait Golden. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi ce prologue-là montre l'habilité de Golden à écrire des scènes d'action efficaces. Toutes les scènes d'action passent très très bien, il n'en fait jamais trop, l'écriture est vif, rapide, il y a une habileté qui ne se démentira vraiment pas tout au long du roman. Et donc quand on croit partir justement pour l'aventure exotique dans la jungle, boum, on se retrouve, donc c'est au tout début du récit, à New York, pour en fait quelque chose qui est vraiment inédit pour Uncharted, à savoir un côté un peu plus thriller. Alors je vais bien sûr pas dévoiler les retournements de situation et les découvertes que les protagonistes vont effectuer, ça serait stupide. Mais il faut préciser que le premier quart du roman, voire même presque un tiers du roman, s'axe justement sur l'enquête que va mener Nate et Sully sur l'assassinat de l'ami de ce dernier. Il y a donc vraiment ce que j'ai dit, un côté thriller policier qui est assez surprenant pour la saga Uncharted, mais qui permet vraiment en fait de poser les enjeux et surtout de développer les personnages et les liens qui les unissent. Donc le lien entre Nathan et Sully, et aussi avec donc la nièce de Sullivan, la nièce par procuration, donc la fille du type qui a été tué. La relation entre Sullivan et Nathan est très bien rendue et ça sera justement une relation qui sera un point central de Uncharted 3 qui sort donc Drake's Deception qui va sortir 2 mois après le roman. Donc on voit que c'était vraiment, c'était un peu dans cette optique là et c'est là qu'on retrouve ce que je vous ai dit, qu'il y a vraiment une cohérence d'écriture entre le roman et ce que faisait aussi Naughty Dog sur Uncharted 3 à ce moment là. Donc on voit que les deux ont dû échanger des infos. Donc c'est aussi l'occasion, tout ce passage là, de découvrir donc Jada, qui est la fille de l'archéologue assassiné, que Sully donc considère comme sa nièce. Et là c'est pareil, Golden, il va pas nous servir à un personnage féminin trop cliché, et il évite surtout en fait de nous sortir des copies, que ce soit de Elena ou Chloé. En fait, Jada est un personnage qui a sa propre identité, ses propres motivations, et qui arrive vraiment à exister sans trop de problèmes. Et ça c'est bien, et je pense que Golden aussi, le fait d'avoir écrit sur Buffy, donc qui était un personnage féminin qui est fort, mais qui a quand même beaucoup de profondeur, ceux qui ont regardé la série le savent en fait, hein. Il y a des tropes classiques sur l'adolescence, mais en fait, dans la série, Joss Whedon arrivait justement à parler de plein de choses intéressantes sur son personnage et sur la société, au travers du côté fantastique. Donc là, c'est un peu différent, mais on voit que Golden a réussi à s'approprier ça, et donc créer en fait ce personnage de jeune femme, qui n'est pas une demoiselle en détresse, qui n'est pas non plus une badass, ni quoi que ce soit, c'est vraiment un personnage qui vit par lui-même. Et ça, c'est très intéressant, et c'est souvent rare dans beaucoup de romans d'aventure, en règle générale, soit le personnage féminin, et l'héroïne, donc souvent badass et tout ce qu'on veut, soit souvent c'est la demoiselle en détresse, et ça peut devenir très vite pénible. Là c'est pas du tout le cas, et donc c'est un très bon point sur le roman. L'aspect thriller en fait de la première partie du roman permet également de diffuser un sorte de sentiment paranoïaque, et ça colore vraiment les nouveaux personnages. Donc les nouveaux personnages, ils sont pas renversants, hein, tous ceux qui gravitent autour de Nate, Jada et Sully, mais ils sont pas non plus trop caricaturaux, et ça aussi c'est une bonne chose. Il y a une manière, en fait on sait jamais qui sont les antagonistes, qui ne le sont pas, qui va trahir, qui ne va pas trahir. Donc ça aussi, c'est assez rafraîchissant. Et au moment où le rythme commence à baisser un petit peu, eh bien, bam, il nous envoie à l'aventure. Et donc, on quitte New York et on part en fait en Égypte. Alors, je vais pas dire justement dans tous les lieux où, dans lesquels on va, mais ce qu'il y a, c'est que dans Uncharted, en fait, l'histoire se base toujours sur un personnage réel auréolé de mystère. On avait eu Francis Drake et Marco Polo pour Uncharted 1 et 2. On avait eu Laurence d'Arabie et Henry Avery pour Uncharted 3 et Uncharted 4. Dans le quatrième labyrinthe, Nathan Drake va pas se retrouver avec un personnage vraiment réel, mais plutôt un personnage issu de la mythologie grecque, à savoir Dédale. Dédale, donc le fameux concepteur des labyrinthes. Donc, comme Amy Hennig avant lui, l'auteur maîtrise bien son sujet, il mélange savamment des faits historiques, comme le labyrinthe de Knossos ou la civilisation minoéenne, mais aussi des zones d'ombre et donc les légendes, tout ce qui va être le Minotaure. De plus, en fait, cette description des lieux que va visiter Nate et sa bande sont vraiment bien rendues, elles sont bien fichues. On a vraiment l'impression, en fait, de déambuler dans les chantiers de fouilles de Crocodilopolis ou encore dans les ruelles escarpées de Santorin et plein d'autres lieux, donc je vais pas dévoiler les noms parce que ça serait vous gâcher l'expérience. Donc progressivement, on est vraiment happé par les événements et les révélations et on reste vraiment scotché, en fait, au basket de Nathan Drake, justement. Dernier point aussi, si les descriptions et les scènes d'action, elles sont vraiment bien écrites, il y a quelque chose sur lequel on l'attend vraiment à Uncharted aussi, ce sont les dialogues. Les dialogues, c'est ce qui fait vraiment le sel de la saga, qui amène beaucoup aux personnages dans les jeux vidéo. Et là, c'est pareil, les dialogues sont super bien fichus. On retrouve vraiment la dynamique qu'il y a dans le duo Nate-Sullivan. Et on peut même avoir l'impression par moment, à la lecture, d'entendre les doubleurs, à savoir Nolan North et donc Richard McGonagall, se balancer des vannes. Et ça, c'est vraiment un truc super. Et aussi, il faut dire, parce que je ne l'ai pas mentionné, puisque j'ai lu le livre d'abord quand il est sorti en anglais, et ensuite, en 2016, donc quand il est sorti en français, c'est que la traduction française qui est signée Claire Joanneau colle vraiment parfaitement au texte original et donc retranscrit vraiment bien la manière de se comporter des personnages. Donc c'est une super traduction qui est vraiment parfaite. Donc au final, Uncharted, le quatrième labyrinthe, est un roman qui est vraiment plaisant à lire, qui ravira évidemment tous les fans désireux de découvrir une nouvelle aventure, une aventure inédite de Nathan Drake, mais aussi des lecteurs en fait qui ne connaissent pas du tout la saga de Naughty Dog, qui ne sont pas vraiment intéressés par les jeux vidéo, mais qui ont juste envie de passer un bon moment avec un très bon petit feuilleton d'aventure, donc c'est un peu comme ces feuilletons d'aventure, un peu ces pulps d'autrefois, ce qui, je le rappelle, était le but du premier Uncharted, hein, de faire un pulp d'aventure. Donc c'est vraiment ce que ce livre, donc même si vous n'êtes pas fan du jeu vidéo, vous ne le connaissez pas, mais que vous aimez les bons romans qui sont donc aventure, un peu action, thriller, et qui est vraiment dépaysant, allez-y, n'hésitez pas, embarquez pour cette aventure, vous n'allez pas le regretter. Donc Uncharted, le quatrième labyrinthe, c'est, je vous l'ai dit, écrit par Christopher Golden, c'est paru aux éditions Milady en 2016, ça se trouve en livre de poche ou en e-book, donc voilà, ça, les prix varient de 5 à 8, 9 euros suivant le format que vous choisissez. Franchement, moi je vous dis qu'une chose, si vous aimez un tant soit peu ce genre d'aventure, n'hésitez pas, embarquez. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà lu le livre, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, ce que vous pensez de manière générale, soit de la saga Uncharted, soit même des adaptations ou des romans en fait tirés de l'univers jeu vidéo qu'on peut trouver donc chez des éditeurs. S'il y a des titres dont vous voulez parler, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, ou certains que vous voulez me suggérer, parce que c'est une chose que j'ai envie de faire aussi sur la chaîne, des fois, de parler des romans adaptés ou tirés de licences vidéoludiques. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, si vous voulez partager, liker, vous abonner, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et puis je vous dis quoi, ben merci une nouvelle fois, et donc à très bientôt pour, je l'espère, cette fameuse vidéo de Let's React, quand j'aurai une tête moins momifiée. Sur ce, je vous dis ciao ciao.